On va parler de la série qui commence ce soir entre les Oilers de Edmonton et l'Avalanche du Colorado avec Patrick Henry de Radio-Canada à Calgary. Salut Patrick, c'est à Edmonton, excuse-moi. Salut Patrick. Ouais, toute l'Alberta. Salut Danny. Ouais, toute l'Alberta. Tu veux vous dire, tu couvres un peu les Flames. On va en parler un peu des Flames avant cette série-là, tiens. Moi, j'ai été déçu. Moi, c'est pas la qualité du hockey. Je m'aurais attendu à 6-7 parties. J'ai été déçu des Flames un peu. Et surtout Mike Sun, le gardien de but, qui n'a pas fait la job. On va se le dire, là. Ouais, je pense que c'est ça le gros point de la série, parce que les Flames ont pas mal joué quand même dans cette série-là. Ils ont marqué quand même plusieurs buts, suffisamment normalement pour gagner, surtout quand un gardien de la trempe de Markstrom, là, qui est un des trois candidats pour le trophée Vézina, donc tu t'attends à plus souvent à gagner des matchs 2-1, 3-2 que les Oilers, disons. Les Oilers, on le sait qu'il faut marquer souvent des buts, qu'il faut en marquer beaucoup pour gagner. Les Flames, habituellement, avec Markstrom dans le filet, là, qui a eu je sais plus combien de blanchissages cette année, je pense que c'est 8. Ouais. Donc, avec un gars comme ça, normalement, tu te dis, ben on marque 3 buts, on est correct. Ça n'a pas été le cas. On en a accordé en moyenne 5 par match. Donc, vraiment, les Oilers avaient le numéro de Markstrom dans cette série-là. Ah. Puis, les meilleurs joueurs des Oilers ont été meilleurs que ceux des Flames. Il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, Drysdale a été excellent avec plus de 3 points par match. McDavid, Hyman a marqué dans tous les matchs. Le premier trio des Flames, ben on l'a pas vu beaucoup. Kachuk qui a été presque invisible dans cette série-là. Donc, c'est ce qui fait que les Flames ont déçu bien du monde, là. Non seulement en perdant, mais en perdant en 5 matchs contre les Oilers. Est-ce que tu penses que Johnny Gaudreau va quitter Calgary? Johnny Gaudreau qui a été décevant des séries avant, mais cette année a connu quand même des séries très, très, très respectables. Est-ce que tu penses qu'il va quitter Calgary? C'est très difficile de voir clair dans ce jeu-là. Johnny dit qu'il aime Calgary, c'est sûr. Mais est-ce qu'il aime plus l'argent que le confort de jouer dans un endroit qu'il connaît déjà? Il y a beaucoup de rumeurs qui l'amènent au New Jersey, d'où il vient. Ouais. C'était pas une mauvaise acquisition là-bas. L'autonomie pour un joueur, c'est quelque chose qui arrive pas souvent. Hein. Mm-hmm. Donc, Johnny vient de connaître la meilleure saison de sa carrière. Est-ce que les Flames vont être capables de le payer? Est-ce qu'il est capable de répéter ce qu'il vient de faire cette année? Parce que là, on va se rappeler qu'il venait de connaître deux saisons. Ouais. Il venait de connaître deux saisons plutôt ordinaires. Donc, comment on va réussir à trouver l'argent pour payer? Si on a le choix entre prendre Kachuk et Gaudreau, est-ce qu'on en choisit un des deux? Comment on fait le choix? Mm-hmm. Moi, je pense que Kachuk est plus jeune, plus dynamique. Malgré que Gaudreau, on disait souvent, les premières années, il faisait beaucoup de points, mais il récoltait pas de points sur la route. C'était tous des points à la maison. Et cette année, c'est un des joueurs qui a le plus de points sur la route. C'est un des joueurs qui a le plus de points, sinon le joueur qui a le plus de points à 5 contre 5. Il est dans les meilleurs dans les plus et moins. Donc, il vient de connaître toute une saison. Il va falloir le payer. Puis c'est pas certain que les Flames ont l'argent pour payer les deux joueurs. Ouais. Est-ce qu'on va réussir à échanger Sean Monahan? Ce serait déjà une façon d'épargner de l'argent. Est-ce qu'on va racheter certains contrats? C'est un beau casse-tête pour Brad Treliving. Ouais, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver à Calgary, effectivement. Les Oilers sont-ils arrivés? T'sais, on dit tout le temps par le passé, c'est une équipe qu'on trouve un peu bizarre, parce qu'à quelque part, les Oilers, il y avait du talent. On trouvait toujours qu'il y avait du talent, mais on le voit, là, nécessairement. Là, c'est pas parce que t'as du talent en série que t'as du talent en saison régulière qu'en série, on le voit très, très bien. Là, avec les Panthers, on l'a vu que les Hurricanes à Caroline également, c'est une équipe plus défensive. Mais est-ce que finalement, cette année, les Oilers, et Connor McDavid a dit finalement, a décidé qu'elle allait passer à l'étape d'un grand joueur? Ben, on a vu qu'à chaque fois... Ouais, mais à chaque fois qu'il augmente sa vitesse, on dit il prend un autre gear en anglais, là. Tu sais pas qu'il trouve une nouvelle vitesse de croisière. Ben, on se dit, voyons, ça peut pas être plus que ça. Il peut pas faire plus de ce qu'il fait déjà. Il est déjà au maximum. Et non, il réussit toujours à augmenter la cadence quand même. Ce qu'il a fait durant la série contre les Flames, puis même durant celle contre les Kings, parce que c'est lui qui a pris les choses en main. Il est dominant. Et on se rappellera, là. Si t'es l'entraîneur de l'autre côté, tu prépares ton plan de match. Tu dis pas, on va laisser McDavid aller à soir. Ouais. Non, on va mettre nos énergies sur McDavid. On met nos meilleurs joueurs sur lui. On a un plan de match de le tenir en échec, de l'accrocher, de faire tout ce qu'on peut pour pas qu'il touche à rondelle. Puis il réussit à être dominant autant qu'il l'est quand même. Donc ça, c'est exceptionnel. Puis oui, lui, il nous montre là que il était sérieux au début de l'année. Il avait dit, c'est fini les excuses de dire qu'on est jeune puis qu'on n'a pas d'expérience en série. On n'est plus si jeune que ça. On commence à avoir un peu d'expérience, même si c'est pas de l'expérience positive. Et là, cette année, ben, il faut que ce soit une vraie année en série éliminatoire. Donc, même si les Oilers se faisaient sortir en 4 matchs contre le Colorado, je pense pas que c'est ça qui va arriver. Les Oilers pourraient quand même dire mission accomplie cette année. Puis c'est en grande partie grâce à McDavid qui s'est levé et qui a dit avec ses coéquipiers, regardez, là, on va la faire la règle. Est-ce que tu penses que il y avait beaucoup d'émotions avec la série contre les Flames de Calgary? Est-ce que tu penses une baisse des régimes du côté? Parce qu'il y en a que j'ai entendu ce commentaire-là, puis j'ai pas trouvé ça fou comme commentaire. Et les jeunes Oilers peuvent avoir gagné le Coupe Stanley en battant les Flames. Est-ce que tu penses que c'est ça ou non, on se satisfait pas de ça? Non, je pense pas que c'est ça. Il y a eu de l'animosité, il y a eu de la rivalité, mais peut-être pas autant qu'on s'y attendait. Ouais, okay. Ça a peut-être été plus entre les supporters des deux villes qu'entre les joueurs des deux équipes. On a vu sur la glace, on est resté discipliné, on se détestait pas tant que ça. C'était loin d'être là comme il y a 35 ans quand les deux équipes s'affrontaient souvent en série puis se détestaient vraiment. Donc, oui, on est content d'avoir gagné cette série-là. Oui, elle était émotive quand même. Mais je pense pas que ça va créer une baisse de régime parce que là, on parle d'une rivalité entre quand même McDavid et Nathan MacKinnon. Donc, si c'est pas McDavid lui-même qui veut montrer qu'il est meilleur que MacKinnon, ouais. Ça va être les joueurs des Oilers qui vont vouloir montrer que leur capitaine est meilleur que le joueur vedette de l'Avalanche. Donc, il va avoir de l'émotion quand même beaucoup dans cette série-là. OK. Mike Smith, est-ce que son repos, 41 ans, certainement que le repos était bénéfique pour lui, hein? Ouais, quelques jours. Ouais. Quelques jours, ça va faire du bien. On lui pose souvent la question. On dit en saison régulière, depuis deux ans, t'as jamais été devant le filet pour plus de 4 matchs consécutifs. Là, t'es rendu à quoi? C'est 12 départs consécutifs. Comment tu te sens? Puis il dit, je me sens bien, c'est les séries éliminatoires, c'est ça qu'on veut faire. On insiste beaucoup sur le fait aussi que il est comme en forme de mi-saison parce qu'il a manqué une bonne partie de la saison à cause de blessures, donc il n'a pas la fatigue accumulée autant que certains autres gardiens. Puis ça va assez bien et c'est ça qu'on lui demande à Mike Smith. La dernière série là, c'est le bon exemple de ce qu'on demande à Mike Smith. Ouais. Fais-nous pas perdre, c'est ça. Et ça a passé proche avec le but qu'il a donné, ça aurait pu tout changer là dans le quatrième match quand il a donné un but à Rasmus Anderson qui était dans son propre territoire. Ça, là, ça aurait été exactement ce qu'il fallait pas qu'il arrive avec les Oilers. Les Oilers n'avaient pas pu revenir dans le match. Fais-nous pas perdre. Assure-toi de faire les arrêts. Si t'es capable d'en voler une de temps en temps, tant mieux. Mais nous, on va s'occuper de te donner des buts. Et c'est ça que les Oilers font en séries éliminatoires. C'est ça qu'ils ont pas fait durant toute la saison, qu'ils ont fait une bonne partie de la saison. Quand on marque 5 buts, on devrait gagner. Quand on en marque 6, on a encore plus de chance. Mais on a quand même perdu 9-6 le premier match. Donc, les gardiens, c'était Smith et Koskinen, cette fois-là, qui avaient fait pas le travail. Donc, ce qu'on dit aux gardiens, là, fais-nous une trentaine d'arrêts. On va essayer de limiter les lancers. Puis nous, on va te donner des buts. Donc, okay. Le gardien est bon. Et c'est à l'époque, c'est un peu comme ça que ça marchait avec Granfield. Regardez les pointages à l'époque aussi. Là. Granfield, il gagnait pas 1-0. Là. Non. Il gagnait pas plus de 9-0. C'était 9-6, 9-7, souvent les matchs aussi. Ouais. Donc, c'est ce qu'on demande à Mike Smith. Et il fait le travail. Il y a des bonnes statistiques. Je n'ai pas regardé avec les statistiques hier de Shesterkin. Là. Mais avant le match d'hier des Rangers, Mike Smith était devant Igor Shesterkin dans toutes les colonnes, dans toutes les statistiques en séries éliminatoires. Donc, il est là à sa place. Et celui qui va être le meilleur entre lui et Darcy Kuemper, parce que ça va être une série très offensive encore une fois, celui qui va être le meilleur devant le filet a de grosses chances de gagner cette série-là. Il y a un joueur qui joue bien pour les Oilers, c'est Brett Kulak, hein, ancien du Canadien. Apparemment, il joue du gros hockey pour les Oilers. On l'aime beaucoup à Edmonton. Les supporters l'ont adopté bien très, très rapidement. Mais lui, quand un joueur arrive, puis il est content d'être là parce que Brett Kulak vient d'Edmonton aussi. Donc, ça aide un peu. C'est l'équipe de son enfance. Son père était super ému qu'il soit échangé ici. Donc, ça aide un peu à l'accepter. Et il joue très, très bien en défense. On avait une jeune défense du côté des Oilers qui manquait d'expérience, qui manquait de confiance. On arrive avec un gars comme Brett Kulak qui est allé jusqu'en finale l'an passé, qui joue très, très bien avec les joueurs avec qui il est pairé, que ce soit Cody Ceci, que ce soit Duncan Keith, que ce soit même à l'occasion Evan Bouchard ou Darnell Nurse. Donc, le plus souvent, on le voit avec Tyson Barry, et puis il se complète bien. Barry a un instinct un peu plus offensif. Kulak est plus là pour corriger les erreurs, pour corriger ce qui se passe en défense. Puis ça va très, très bien jusqu'à maintenant. OK. Donc, on suit ça de près. Est-ce que les gens à Edmonton sont confiants contre l'Avalanche ou vraiment on voit que c'est un gros défi? Qu'est-ce qu'on dit dans les lignes ouvertes à Ched? Et ainsi de suite, là. On commence à... Tu sais, les gens sont dans la fièvre des séries. Ah, ouais, donc, savent que l'Avalanche, ça va être tout un défi. Mais là, je pense que si vous demandez à n'importe quel supporter, ils voient les Oilers gagner la série en 6. Là. C'est, ça va être probablement le consensus général. Là. Les Oilers sont partis pour la gloire, là, et il n'y a plus rien qui va les arrêter. Il faut garder les pieds à terre. Là. Ils ont eu une bonne opposition jusqu'à maintenant. Les Kings, c'était les Kings en première ronde. C'était pas une mauvaise équipe, mais c'était pas l'équipe favorite pour remporter la Coupe. Ils ont fait du bon travail contre les Flames, qui étaient supposément une meilleure équipe qu'eux. Là, ils s'en vont vraiment contre un défi super intéressant. Une équipe qui a autant de profondeur qu'eux en attaque. Parce que si on y va un pour un, là, on a McDavid, on a McKinnon, on a Drysdale, on a Landeskog, on a Kane, on a Rantanen, on a Hyman, on a Kadri. Donc, tu sais, on a des joueurs des deux côtés qui peuvent marquer des buts, mais on a un défenseur du côté de l'Avalanche qui s'appelle Cale Makar qu'on n'a pas du côté d'Edmonton. Ouais. Donc ça pourrait faire la différence. Mais les gens sont emballés, là. L'atmosphère est fun à Edmonton. Est-ce que les anciens Oilers, Gretzky est à TNT, par la bande, il doit sûrement être proche des Oilers. Est-ce que les Kevin Lowe, les Paul Coffey, les Mark Messier, Grant Fuhr, tous ceux et celles qui ont fait partie des années 80 des Oilers, est-ce que tu en vois des parages? On a vu à chaque match, il y a des anciens Oilers. Ouais. La dernière rencontre, c'était Dwayne Rollison qui était là. On a vu, on voit Jason Strudwick qui est là. On voit des moins gros noms, là. Fernando Pisani. Kevin Lowe est encore là avec l'organisation. Donc lui, je pense qu'il voyage avec l'équipe, donc il est encore toujours là. Paul Coffey est venu faire un tour durant le premier tour des séries. Je pense pas, si je me trompe, je pense pas qu'on a vu Mark Messier encore. Mais ça veut pas dire qu'il n'est pas là, nécessairement. Oui, mais il se promène à des matchs. On l'a vu, je me souviens de l'avoir vu à télé dans un match à Saint-Louis. Okay. Puis je pense qu'au premier tour, il était à un match à Los Angeles aussi, un match contre les Oilers. Mais oui, il est plus souvent en onde que dans les estrades. Là. Il avait choisi les Flames. Ça avait fait jaser beaucoup. Les Flames allaient battre les Oilers. Ouais. Donc, il s'est fait remettre à sa place. C'est ça, les partisans étaient bien contents de jouer. C'est un peu comme Guy Lafleur qui choisit les Oilers, une série contre les Canadiens. À l'époque, il me semble qu'il se serait fait ramasser un petit peu. Je sais pas. Là. Ça fait un peu bizarre. Hein? Ouais. Hein? Mais en même temps, tu es un analyste de hockey maintenant. Fait que tu fasses ton travail, tu essaies de... Tu essaies de déconnecter de ton passé. Patrick, on s'en parle à la fin de la série. Collaborateur à Edmonton, Patrick Henry.